Paris, Oran, New York, n'est plus comme la veille, c'est pas le jour de la paix, mais le jour de la peine. Toujours frais, chambon, mon parfum c'est oseille. DJ Play, mon son, il se ruine en bouteille. Incroyable mais vrai, MC en bébé gay. M'arrive toujours pas à la cheville, encore moins à l'orteille. J'ai dû m'envoler, blasé, par le sommet. Veulent me violer, bronzer, sous mes rayons de sommeil. Ils font les beaux, ils font les shows, stupides dans leur clip. Ils n'ont pas le charme du ghetto, dans la rue ça part plus vite. Flic, bang, j'suis pas un boys band, ni un gangster. Les jaloux font les dingues, savent devant qui est gangster. Monde au Zoulou des sincères, tant qu'à faire. Monde un libéral qui se rincère, légendaire, légendeur. Je suis ce que j'endure, en temps de guerre. Il porte un string à mon flanc, tout ça joue en dur.

avec de l'orangina. J'ai beau mettre une main de Zapma, le mauvais seuil me snipe à chaque fois. Pour être sûr d'esquiver, je crois qu'il faut s'exiler en Alaska. Ramsa, fi'aynikum, ou tsutayamikum. N'allez, shaitan, tchak tchak tchak tchak tchak, salam alaikum. Ketlouna bil'ayn, okey, ketlouna bil'ayn. Ma khalewnash, n'aïchou, alèche, alèche. Khamsa, khamsa, ketlouna bil'ayn, okey, ketlouna bil'ayn. Ma khalewnash, n'aïchou, alèche, alèche. Khamsa, khamsa, khamsa, fi'aynikum. Khamsa, fi'aynikum. Khamsa, fi'aynikum. Khamsa, fi'aynikum. Khamsa, fi'aynikum. Khamsa, fi'aynikum. Khamsa, fi'aynikum. Khamsa, fi'aynikum. On t'a pas dit de ne pas t'amuser avec rien du suivant. Pourquoi? Magic System encore. Avec Khaled. J'suis là. Avec quoi la belle? Oui, what the belly. Beyoncé, j'ai pas le compte à Carter. Tu vas finir poncé. Je ne jure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses la Zumba. Genre t'es de Sao Paulo. Mais mon boîte à rumba. Parce que t'es une choroto. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean philippin, mais ma chérie faut le remplir. Si t'as le corps d'un philippin, pas un euro je vais sortir. Au pire il me reste mes mains et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de sopala et je suis à Punta Cana. Ok. Skyrock et Serail Suprême le dimanche soir avec DJ Case au contrôle. Yeah, Case. Bah, déjà la moitié de l'émission. Déjà la moitié de l'émission, Paris ou en New York. On n'est pas à la moitié, non, on est dans 15 jours. 15 jours exactement. Sortie de l'album à voilà. 6,99€ qu'on peut précommander maintenant. Ouais, vous pouvez précommander via les réseaux sociaux, sur internet, tout y est. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce que tu vas nous mettre pour la dernière session, la dernière demi-heure de l'émission? On va se mettre du Dana Dana, on va se mettre Rimka, on reste fier, Jnouné, on le remet comme il a été demandé. Et puis je vais improviser. Une petite improvisation, c'est très bien. Et bah bougez pas, c'est juste après ça.